Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 5 janvier 2021. Voici les grands titres. Deux syndicats des enseignants critiquent certaines dispositions de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement parce que nous ne tenons pas compte des libertés syndicales. Vous l'entendrez dans ce journal, ces deux syndicats l'ont exprimé dans une correspondance adressée au ministre de l'Éducation. Et l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois a commencé ce mardi les travaux de débouchage des rogards se trouvant dans différents coins de la ville de Bujumbura. Et certains caféiculteurs des provinces Muyinga et Karuzi se plaignent du retard dans la réception des engrais chimiques alors qu'ils ont déjà payé la somme exigée. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et en actualité internationale, 3 jours de deuil ont été décrétés au Niger suite à l'attaque terroriste de samedi. Et c'est une attaque qui a causé la mort de 100 civils. Et à la fin de ce journal, comme tous les mardis, vous aurez droit à la chronique santé. Il sera question de parler de l'insuffisance rénale qui est caractérisée par certains symptômes de l'engonflement dans tout le corps. Ce sera avec Dr Sylvain Pierre Nzeimana. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce journal pour ce début d'année. Les dispositions régissant la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement qui ne tiennent pas compte de la liberté syndicale sont critiquées par deux syndicats, à savoir le CPDUC et le CIGPBOU. Dans leur correspondance adressée au ministère ayant l'éducation dans ses attributions, les deux syndicats déplorent qu'ils aient été écartés du conseil d'administration de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement FLE Aubin Niyonguru. Selon cette correspondance, l'article 2 du décret du 11 décembre 2017 portant réapprobation de la Fondation FLE précise que la dite fondation est ouverte à tout employé du secteur de l'éducation sans distinction aucune. Pourtant, poursuit cette correspondance, l'article 4 du dit décret est discriminatoire en ce qui concerne la gestion de la FLE parce qu'il limite le partenariat entre le gouvernement et les syndicats CONAPES, CIPESBOU, SLEB, STEB, SNAPEP et SINATEF. Comme conséquence, les deux syndicats, CPDUC et CIGPBOU, se disent exclus dans le conseil d'administration de la FLE qui, selon eux, est dominé par les 6 autres syndicats susmentionnés. L'autre effet signalé est que la gestion de la FLE se confond avec celle de la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA, qui a été créée par les 6 syndicats ci-cités. Dès la création de cette organisation, les membres des deux syndicats, CPDUC et CIGPBOU, notait-il dans cette correspondance, sont délibérément privés des droits et services reconnus aux membres de la FLE, au point que certains ont d'ailleurs demandé le désengagement. Aubin Niyonguru. Et l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au bois a commencé ce mardi les travaux de débouchage des rogards se trouvant dans différents coins de la ville de Bujumbura. Cléophas Bizabishaka, directeur de l'environnement, de l'hygiène et assainissement à l'Oboa, appelle les habitants de la mairie à bien entretenir ces infrastructures en veillant surtout à ce que les couvercles de ces rogards ne soient pas volés. Il l'a dit après des plaintes des habitants des environs des endroits où ces eaux usées se déversent dans les rues suite au bouchage de ces rogards. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. Les rogards que vous voyez là ont une profondeur de 6 mètres. Il y a un comportement des gens qui ont développé un comportement, je dirais, d'animosité. Ils ont déjà volé les couvercles qui devraient assurer l'étanchéité de ces égouts. Et après avoir volé ces couvercles, les gens de mauvaises intentions ont amené des déchets solides. Ils ont considéré ces égouts comme des dépotoirs. Et c'est à partir de ces éléments étrangers, de ces corps étrangers, qu'on a incorporé dans ces égouts, qui sont à l'origine du bouchage de ces égouts que vous voyez. Si ces égouts sont bouchés, les eaux submergent et ça devient catastrophique. Je lance un appel vibrant à toute la population en général de faire scier ces ouvrages. Ce ne sont pas des ouvrages du gouvernement, ce sont les ouvrages qui sont tenus de protéger impérativement, absolument. Sinon, l'impact là, c'est l'environnement urbain qui est menacé. Il y a toute une gamme de conséquences qui peut surgir à partir de ce surgissement de ces zoïs. Donc, je lance un appel vibrant à la population en général de protéger ces ouvrages. Sinon, la conséquence est beaucoup plus grave. Si les gens ne fassent pas sienne ces ouvrages, là, je vous dis que dans les prochains jours, ça va même causer beaucoup de maladies parce que vous savez, ce sont des zoïs, comme on dit. Donc, ils devraient être canalisés et être traités comme c'est prévu là à la station d'épuration de Boutéré. Cléophas Wizabishaka, directeur de l'environnement, de l'hygiène et assainissement à Lobouha. Certains cafés culteurs des provinces comme Muyinga et Karuzi se plaignent du retard marqué dans la réception des engrais chimiques alors qu'ils ont déjà payé la somme exigée lors de l'émission Aiwanyu Avugwamaki sur Radio Isanganiro. Ce lundi soir, ces cafés culteurs ont demandé d'être approvisionnés car, disent-ils, les délais de mettre de l'engrais dans leurs caféiers tend vers la fin. Suivez-les. En commune de Wuhinyoza, nous avons payé de l'argent il y a deux mois, mais nous n'avons pas encore eu ce fertilisant. C'est déjà trop tard. L'on devrait mettre ce fertilisant dans nos champs à partir du mois de novembre. Interrogé à ce sujet, les chefs de colline nous répondent qu'eux aussi attendent comme les autres. Nous avons payé, nous possédons même les reçus, mais ces engrais tardent à ne parvenir. Nous nous sommes enregistrés depuis le mois de novembre l'année passée pour avoir des engrais pour nos champs caféicoles. Mais c'est déplorable. Nous avons payé la somme exigée à la poste, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu cet engrais. Si nous demandons à nos chefs, eux aussi disent qu'ils attendent comme tant d'autres. Nous demandons à l'État de nous donner cet engrais pour le mettre dans nos champs. Le délai est dépassé. On devrait le faire au mois de novembre. On ne sait pas si on nous donnera cet engrais au mois de février. Nous sommes mécontents. Nous nous sommes fait enregistrer au sein des coopératives d'épargne et de crédit, là où on distribue des intrants agricoles. Mais nous avons attendu en vain. Nous nous sommes fait enregistrer au début du mois de novembre. Nous avons des récits de paiement provenant de lieux d'inscription comme la Régie nationale des postes. Quand nous leur demandons, ils nous répondent d'attendre. Ce qu'il faut faire est que l'État puisse suivre de près nos intrants agricoles pour que la population ne perde pas. Et ainsi de nous donner ces intrants agricoles. Et en bref, en actualité internationale, les Congolais veulent voir les véritables assassins du président Laurent Désiré Kabila devant la justice. Voilà 20 ans, presque jour pour jour, qu'ils clament leur innocence. Au Congo-Kinshasa, les 23 personnes qui sont encore en prison à la suite de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila ont été graciées jeudi dernier par le président Tshisekedi et vont être libérées cette semaine. Pour l'avocat Jean-Claude Katende, le président national de la SADO, l'Association africaine des droits de l'homme, c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire et c'est aussi le début d'un nouveau combat pour la vérité. Trois jours de deuil ont été décrétés au Niger suite à l'attaque terroriste qui a causé la mort de 100 civils après ce qui a été l'acte terroriste commis par des djihadistes, le plus meurtrier du Sahel. Le pays a également renforcé son dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. L'attaque a eu lieu samedi matin et aucune revendication officielle n'a encore été émise après cette attaque survenue entre les deux tours de la présidentielle au Niger. Ni concernant la pose d'une mine artisanale qui a tué le même jour deux soldats français à Menaka. Et alors que le Kenya a décidé de rouvrir lundi les écoles, après environ 10 mois de fermeture suite au coronavirus, commence un calvaire pour les élèves de Nyando dans le comté de Kisumu, près du lac Victoria. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans cette localité. La pirogue reste donc le seul moyen pour se rendre à l'école. À l'échelle nationale, des millions d'écoliers et des collégiens kenyans ont repris ce lundi le chemin des salles de classe. Les élèves du primaire et du secondaire, en masque sur le visage, se sont vus prendre leur température corporelle avant de pénétrer dans leur établissement sous le regard de parents à la fois soulagés et inquiets. Radio Isanganiro, chronique santé. L'insuffisance rénale est caractérisée par certains symptômes, dont le gonflement dans tout le corps. Docteur Sylvain Pierre Nzeimana, néphrologue, précise que la maladie peut être la conséquence d'une maladie chronique, comme le diabète, qui peut détériorer progressivement le fonctionnement des reins. Il ajoute que la maladie peut être aiguë. Ornella Mucho. Les reins sont des organes chargés de la filtration du sang pour éliminer les substances toxiques indésirables. Le néphrologue Sylvain Pierre Ndeimana fait savoir qu'en cas d'insuffisance rénale, cette situation engendre des conséquences. Les reins interviennent dans la production de globules rouges. Les reins interviennent également dans le métabolisme osseux. Et enfin, les reins interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Quand on a une insuffisance rénale, on aura des œdèmes. Donc le patient, parce qu'il ne peut pas éliminer l'excès de fluide dans son organisme, va voir ses jambes gonflées, son visage gonflé. Il aura une rétention d'eau. Deuxièmement, le patient aura une hypertension artérielle, difficilement contrôlable. En plus de cela, il aura une anémie, parce que les reins ne seront pas aptes à produire des globules rouges. Mais aussi, il aura... Donc le taux de calcium dans le sang sera bas et ça va entraîner une fragilité osseuse. Et enfin, le patient aura une hypertension artérielle parce que les reins ne seront pas à même de contrôler la pression artérielle. L'insuffisance rénale peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë est une insuffisance rénale qui survient brutalement. Alors, ici chez nous, la plupart des fois, c'est dans le décours d'un paludisme grave. Quand on a un paludisme grave, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë qui récupère lorsque le paludisme guérit. Tandis que l'insuffisance rénale chronique, c'est une insuffisance rénale, dont elle se traduit par une dégradation lente, progressive, mais surtout irréversible de la fonction rénale. Docteur Sylvain Pierre Ndeimana précise que les maladies rénales chroniques qui conduisent à l'insuffisance rénale sont la conséquence de certaines maladies chroniques, dont le diabète ou l'hypertension artérielle. Cela s'observe surtout en cas de pathologie chronique comme l'hypertension artérielle, le diabète sucré, l'infection à VIH, que ce soit l'infection elle-même ou bien le traitement antirétroviral. Elle s'observe aussi chez les patients qui prennent des médicaments néphrotoxiques, ou bien des substances néphrotoxiques, donc des substances toxiques pour le rein. Ça peut être des médicaments, par exemple le brufène, c'est un médicament anti-inflammatoire que l'on prend souvent, le diclofénac, également un médicament anti-inflammatoire qui est pris souvent, mais aussi des médicaments traditionnels. Ils peuvent entraîner une dégradation progressive de la fonction rénale qui peut être sévère et même être irréversible. Malheureusement, tout le monde peut être atteint d'une insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique. Docteur Sylvain Pierre Ndeimana nous parlera toujours de l'insuffisance rénale dans la prochaine chronique santé. Merci, on est là, mucho. Merci, docteur Sylvain Pierre. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Serafina Kizimana pour sa collaboration technique au micro. Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.